Sí, Dieu Seigneur. Et tu es souverain. Namokili bofandi, bokonyo kwa mamingi, bakotungi sabino bandimi, bakokangi sabino, bokokota boloko, nakozala elongo na bino. Zala moko na motino na biso ba mokili bako yebande ya solo ete bozali na bwanya bozali bana nzambe oh tika bopeli samwina na bino na kena kozo Bien-aimé, cette chanson est une action de grâce à notre souverain Dieu et un hommage à notre bien-aimé Charles Mombaya, que Dieu nous avait donné comme une bénédiction, mais il a prié à l'Éternel de le rappeler à ses côtés. Laisse que le nom de l'Éternel soit béni à jamais, parce qu'il est Dieu et il est souverain. À jamais il sera chanté. Amen. Oh. Yasuka basa kolina lokuta bakopengwi saba mingi bokeba simba kondi manabino elaka ebelemi mwana na moto akozonga na mapata na kena kozonga Pela nambo Canada. Boko sepe